il est 4 heures, ça fait une heure que j'attends, ça fait une heure. Qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais bouger, je suis trop énervée. Ah, oh, Doudou! Excuse-moi, j'étais en train de faire mes business, là. Ça fait une heure, mais j'ai même pas envie de t'entendre en train de me dire, ouais, excuse-moi et tout, mais j'ai même pas envie de t'excuser, ça fait une heure que je t'attends. Bon, je suis dans ce café, là, comme une pauvre fille à t'attendre. C'est bon, maintenant, on peut y aller, là. T'as ta disposition, là, ou quoi, Doudou? C'est pas ce que j'ai voulu dire, t'as vu, je suis désolé, t'as vu, j'ai pris un peu trop de temps. Tu vois, je vais te dire un truc, Doudou, là, je suis tellement énervée que tu vas y retourner dans ton studio, tu vas re-kiffer, tu vas faire que ça, parce que moi, je me barre, quoi, direct. Non, mais non, fais pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que je vais faire, là? C'est pour les ladies, Doudou Masta, DJ Abdel. Qu'on fait là sans les ladies, sans les pas ladies. De paix, pas de love sans vous ladies, pas de vie, pas de joie sans vous ladies, sans vous ladies. La vie serait trop grise sans vous ladies. Qu'est-ce qu'on ferait là sans les ladies, sans pas les d'amour, ladies. Pas d'enfant sans les ladies, ladies. Pas d'avenir de bonheur sans vous ladies, sans vous ladies. On vous doit la vie, merci ladies. Elles sont tant d'amour à donner, de cœur à cajoler, de choses à endurer. C'est pareil que commence le tout, on est la grâce à vous, j'ai écrit ça pour vous. J'ai pris ma plus belle plume pour vous mesdemoiselles et mesdames. J't'ai dit c'est moi toutes celles qui triment et qui rament. Frangine, lumière noire, gardez la flamme. Vous êtes la clé du bonheur dans ce monde de bout. Sans vous on ne sait plus ce qu'on est, ni même ce qu'on vaut. C'est pour vous que je mets de côté mon ego. Fille ou femme c'est pour toi, future maman combat, l'avenir n'est pas sans toi. Je te donne ton respect. Toi ce message love reste entière et forte, aucune porte n'est close. Pour toi il n'est jamais game over. Reste simple, mystique ou câline, leur bord sur quel je m'incline. Sois mon humaine bombe, sois cette merveille qui illumine le monde. Joconde, un quart du corps du cœur d'où c'est fécond. Colons. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Belle Renoir, dismée, belle Bounou, belle blonde. Est-ce qu'on voit là sans les ladies? Pas de paix, pas de love sans vous ladies. Pas de vie, pas de joie sans vous ladies. La vie serait trop grise sans vous ladies. Qu'est-ce qu'on ferait là sans les ladies? Pas d'amour, pas d'enfant sans les ladies. Pas d'avenir de bonheur sans vous ladies. On vous doit la vie, merci ladies. Y'a un gars, y'a toujours une go. Qui subit les bluffs, c'est pas souvent la teuf go. Elles assument la solitude, les coups d'amarre et rudes, souvent toute l'incertitude. On dit d'elles qu'elles sont faibles, on parle de sexe faible, à nous de changer les règles. Quand je te dis elles, je pense à ma mère, je pense à toutes les mères sur toute la terre entière. Tout mon amour pour toutes ces femmes, à nos petites sœurs qu'on crame, à toutes les meufs qu'on blâme. À toutes celles qu'on condamne, courage aux femmes afghanes, pour elles la paix je réclame. Qu'est-ce qu'on ferait là si elle n'était pas là? Est-ce qu'on serait là et on en serait ladies. Où là? Sans vous ladies. Belle lady. Sans toi, qu'est-ce qu'on ferait là sans les ladies? Sans pas de paix, pas de love sans vous ladies. Pas de vie, pas de joie sans vous ladies. Sans vous ladies. La vie serait trop grise sans vous ladies. Qu'est-ce qu'on ferait là sans les ladies? Sans pas d'amour, pas d'enfant sans les ladies. Pas d'avenir de bonheur sans vous ladies. Sans vous ladies. On vous doit la vie, merci ladies. Sans les ladies, pas d'amour, pas d'enfant sans les ladies, pas d'avenir de bonheur sans vous.